Boudin. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, autour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Duo si vous nous rejoignez en ce lundi 9 décembre 2024. Un nouveau jour, une nouvelle semaine qui s'ouvre pour des mots, des sons sensibles, actualité politique, sociale et culturelle. À retrouver, je vous le rappelle, les lundis, mardis, jeudi, 12h, 13h en direct, rediffusion 19h et lendemain en matinale dès 8h. Pas mal d'infos à vous faire part en ce début de semaine et en ce lundi. Un sujet principal, alors que est prévu ce samedi 14 décembre une action de happening organisée par plusieurs structures associatives, dont Place aux piétons Loire Sud, pour défendre un projet de réaménagement de la place Massenet, un espace envisagé comme lieu de vie agréable, accessible et sécurisé pour tous. Un projet essentiel défendu par l'association que nous avons rencontré il y a quelques jours. C'était lors du rendez-vous de la transition écologique Tatou Juste à Saint-Étienne fin novembre dernier. Vous retrouverez donc l'association Place aux piétons Loire Sud ainsi que Aussi Vélo d'ailleurs, pour nous parler de mobilité douce d'ailleurs. Ce sera donc le sujet principal en termes de rencontres, interviews et puis d'autres infos actues à vous faire part en termes de communiqués ou autres agenda chargé encore pour cette semaine. Des mots, des sons sensibles s'ouvrent en musique comme à notre habitude. Ce sera aussi l'occasion de retrouver l'actualité musicale, discographique et ou concert d'ailleurs durant ce programme. On ouvre de suite avec nos découvertes partenariat Ferrarock cette semaine, notre fédération nationale des radios associatives rock de France qui vous propose double artiste album en présentation, diffusion, annonce, programmation, voire jeu concours. C'est le cas cette semaine pour donc deux albums. Il y a Ugly Mac Beer et l'album Broken Hill qui est sorti le 22 novembre dernier via X-Ray Productions. Mais je vous propose, en ouverture de ce programme, de nous arrêter sur le nouvel album de Brian's Magic Tears, l'album Smoke and Mirrors, qui est sorti le 8 novembre dernier sur le label Born Bad Records. Et je vous propose de découvrir en ouverture et lancement de ce programme le titre Stream Roller de Brian's Magic Tears. Des mots, des sons sensibles. Bienvenue à vous, c'est parti. We'll be right back. C'est le nouveau Brian's Magic Tears, le quatrième album du groupe Smoke and Mirrors, qui s'éloigne un peu du côté garage noise pour un côté peut-être un virage un peu plus pop. Benjamin Dupont, guitare chant, a collaboré avec Lauriane Petit, basse et chant sur quatre titres. Mais voilà l'essentiel et idée couleur, en tout cas musicale, de ce nouvel album qui est sorti sur le label parisien pour ce groupe parisien, Band Bad Records. C'était le 8 novembre dernier. C'est la découverte et le partenariat Ferrarock cette semaine. Il n'y a pas de jeu concours organisé pour cet album et cet artiste. C'est le cas en revanche sur l'autre proposition, Ugly Mac Beer, et l'album Broken Hill qui est sorti le 22 novembre, comme je vous le disais. Vous retrouverez une émission spéciale, bien sûr, consacrée à ces artistes découvertes partenariat cette semaine en écoutant le programme Dig Dig Diggers, qui reprend du service et retour à la normale cette fin de semaine après la couverture des bars en transe fin de semaine dernière. Dig Dig Diggers pour cette 50e semaine sera consacré donc à ces deux artistes avec une interview de Brian's Magic Tears proposée par Westtrack, une interview et module découverte autour de Ugly Mac Beer proposé par Radio Balade, et vous retrouverez même un petit module événement réalisé par Elina de la Ferrarock autour des Nuits du Botanique 2024. Dig Dig Diggers, ce sera bien sûr ce vendredi 12h-19h, le lundi en matinale dès 8h, et plus d'infos encore sur les actus Ferra via la toile, le net, le site dédié ferrarock.org. Des sons sensibles qui s'ouvrent avec quelques infos actuelles à vous faire part en ce lundi 9 décembre qui est aujourd'hui journée nationale de la laïcité, qui célèbre la promulgation de cette fameuse loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, loi qui garantit, je le rappelle, la liberté de conscience et offre aux non-croyants et aux croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions dans les limites du respect de l'ordre public. Alors bien sûr, c'est une journée importante, notamment dans les établissements scolaires. Si vous avez des enfants scolarisés, collège, lycée et autres, peut-être un anniversaire marqué depuis 2015 par des actions éducatives, organisation de débats, de conférences, d'activités pédagogiques autour du principe de laïcité. En effet, tous les ans, à l'occasion de cette journée nationale de la laïcité, les établissements, les écoles de l'académie notamment organisent des actions qui promeuvent et explicitent la notion de laïcité et de vivre ensemble, vaste sujet et programme. Alors c'est le cas sur Saint-Étienne, avec tout d'abord certes les établissements donc scolaires concernés, mais aussi une semaine de la laïcité qui a débuté semaine dernière. Je vous en ai rappelé l'essentiel programme semaine dernière, puisque cette semaine de la laïcité a débuté le 4 décembre. Elle se prolonge cette semaine jusqu'à ce 13 décembre. Plusieurs animations, spectacles, dictées géantes qui ont eu lieu semaine dernière et qui se poursuivent. Vous avez toutes les infos via le site de la ville, mais vous rappelez quand même quelques rendez-vous de cette semaine avec notamment des expositions. Expos qui sont proposées notamment à l'hôtel de ville de Saint-Étienne, une exposition qui retrace la vie d'Aristide Briand, et oui, figure historique de la laïcité, député socialiste ligérien, important pour cette loi et promulgation de cette loi. Et une expo est visible et retrace donc sa vie en collaboration avec les archives de Loire-Atlantique. C'est une expo qui est visible jusqu'à ce vendredi 13 décembre en accès libre à l'hôtel de ville. Une exposition toujours aussi visible et en accès libre jusqu'à ce vendredi 13 décembre. Une exposition qui met en lumière les réflexions et propositions de jeunes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Réunion et d'Île-de-France, issus de leurs échanges lors des débats d'ados et des états généraux des droits de l'enfant, et qui met en avant la laïcité comme un vecteur essentiel du vivre ensemble. C'est visible du côté de l'espace Boris Vian, près de la place Chavanel à Saint-Étienne. La laïcité en question, une expo conçue par la Bibliothèque nationale de France, qui présente la laïcité comme un grand principe issu des philosophes des Lumières et qui aborde son histoire et son actualité. C'est aussi visible jusqu'à ce mercredi 11 décembre en accès libre toujours à la médiathèque de Tarentaise dans l'espace numérique. Et puis, simplement, nous arrêter sur deux conférences proposées cette semaine. Une conférence qui aura lieu ce jeudi 12 décembre à 20h au Planétarium. C'est un voyage historique animé par Philippe Forêt et Michel Depère, universitaires, qui met en perspective l'évolution des sciences face aux croyances religieuses. Une conférence qui interrogera les différences entre savoir scientifique et croyance, de la rotondité de la Terre à la théorie du Big Bang. Voilà, conférence science et religion. Ce 12 décembre au Planétarium à 20h, c'est sur inscription au 04 77 33 43 01, 33 43 01, précédé du 04 77 bien sûr. Et puis la conférence du jour, c'est ce lundi 9 décembre, ce jour, ce soir, une conférence sur la laïcité par Henri Pénard Ruiz, qui est philosophe et auteur du Dictionnaire amoureux de la laïcité et qui explore ce concept de laïcité comme fondement essentiel de la liberté et de l'égalité. Une conférence qui abordera comment la laïcité permet à chacun de vivre librement ses convictions et répond aux défis modernes de la diversité. Un débat citoyen clôturera cette session pour échanger autour des questions d'actualité ô combien nombreuses sur la laïcité. Henri Pénard Ruiz, conférence ce lundi 9 décembre à 18h, salle Aristide Briand, la bien nommée, de l'Hôtel de Ville ce jour. Je précise d'ailleurs que les jeunes de l'émission Sajakas avec la MJC des Tilleuls partenaires devraient interviewer précisément ce philosophe pour une restitution et un retour en onde qui devrait avoir lieu prochainement. Le programme Sajakas, je vous le rappelle, se trouve le samedi à partir de 10h. Autre philosophe, ou en tout cas programme philosophique, toujours salle Aristide Briand, justement, de l'Hôtel de Ville, avec la conférence de l'Hôtel de Ville, de l'association Aussitôt dit, l'association de philosophie à Saint-Étienne, qui propose ses conférences de l'Hôtel de Ville régulières, qui se déroulent donc à l'Hôtel de Ville, salle Aristide Briand, en grande partie quand ce n'est délocalisé ou décentralisé. Eh bien, c'est une conférence qui est attendue cette semaine, ce jeudi 12 décembre. À 19h, avec Michel Rothenberg, qui est anthropologue, professeur émérite de sociologie à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, auteur de différents ouvrages, dont un travail notamment sur l'imaginaire patrimonial qui vient de paraître cette année. L'imaginaire patrimonial, figure de l'urbanité dans les villes contemporaines, paru au PUF de Rennes. Mais c'est sur la question des utopies, les utopies réalisées, qu'il interviendra précisément ce 12 décembre, avec une rencontre qui sera animé par Catherine Gauthier, autre chercheuse sociologue associée au centre Max Weber, laboratoire de recherche à Saint-Étienne. C'est la conférence de l'Hôtel de Ville, salle Aristide Briand, ce jeudi 12 décembre à 19h avec Aussitôt dit. Catherine Gauthier ou Michel Rothenberg, qui sont également membres du groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. Cela me permet de faire transition avec nos programmes radiophoniques. Tout d'abord, vous annoncez qu'Aussitôt dit, ce sont aussi des conférences de l'Hôtel de Ville enregistrées et archives que vous retrouvez sur notre antenne. C'était le cas semaine dernière pour annoncer précisément cette prochaine conférence de l'Hôtel de Ville de cette semaine. Aussitôt dit, en effet, une conférence archive en écoute sur notre antenne le premier mercredi de chaque mois. C'est en matinée, c'est la mensuelle du café à 10h. Et bien cela me permet de vous annoncer une autre mensuelle qui aura lieu cette semaine, ce mercredi. En effet, Catherine Gauthier ou Michel Rothenberg sont également membres du groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, le GREMOS, qui propose là aussi depuis de longues saisons maintenant une émission régulière et mensuelle sur notre antenne. C'est le deuxième mercredi de chaque mois à 18h et ce sera donc le cas ce mercredi 11 décembre à 18h, le Grémos qui propose une émission spéciale autour de l'histoire de la presse locale libre dans une période très particulière, celle de 44, septembre 44, l'éphémère renaissance d'une presse stéphanoise libre vue par René Danty. Et c'est un large entretien que vous retrouverez ce mercredi 18h avec le Grémos auprès de René Danty. Donc pour notre émission Grémos mensuelle. Une soirée débat de l'écran club de Saint-Chamond est prévue cette fin de semaine. Ce sera ce vendredi 13 décembre. Faut-il avoir peur des sectes ? Avec la participation de l'association de défense des familles et des individus. Si les sectes n'ont jamais disparu, même si cela semblait moins d'actualité ces dernières années, la crise sanitaire a réactivé les dérives sectaires et ravivé les inquiétudes. Les sectes aujourd'hui, cela n'est plus seulement l'église de Scientologie ou le temple solaire, mais beaucoup de petits groupes. On en dénombre 500 en France, où s'y trouvent 140 000 personnes, dont 90 000 enfants et adolescents. La loi du 10 mai 2024 vise à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et améliorer l'accompagnement des victimes. Un film documentaire sera proposé en première partie, avant donc rencontre, discussion, débat avec l'ADFI, l'Association de défense des familles et des individus. C'est la soirée débat de l'écran club à Saint-Chamond, c'est ce vendredi 13 décembre à partir de 20h15 à l'espace José Quadros de la MJC de Saint-Chamond. Alors voilà qui m'amène à parler de presse. Et de presse libre, justement, on en parlait juste auparavant, et de secte qui fait l'objet d'un article dans le dernier numéro de La Brèche, le hold-up de la scientologie sur l'antipsychiatrie. Et oui, puisque eh bien, Dio s'était fait piéger il y a quelques années quant à cette position antipsychiatrique de cette association écran, finalement, la Commission citoyenne des droits de l'homme, qui a célébré sa reconnaissance d'intérêt général et qui fait l'objet là d'un article dans La Brèche. Vous connaissez sans doute La Brèche, qui est ce journal d'enquête libre et indépendant, sans publicité ni actionnaire, spécialisé sur les sujets liés à l'écologie, la santé publique et l'impact de la technologie sur nos sociétés, parce que les trois sont intimement liés et que La Brèche croit aussi en l'avenir de la presse papier, qui apporte une autre façon de lire et un autre confort finalement de lecture. Alors La Brèche sort son numéro 10 en ce mois de décembre 2024. C'est cette période décembre 2024, février 2025 que recouvre ce numéro 10 de La Brèche. La Brèche qui fait la part belle également à la presse différente et pas pareille, et à la radio notamment. Alors, contribue également à ce journal l'artiste stéphanois Deloupi, qui précisément a réalisé dans ses pages petite vignette consacrée au podcast qui est pensé et écrit par Audrey Boély, Dernière Limite, une série de 12 épisodes que vous retrouvez sur ocha.com. Et tout cela pour vous parler de presse et de radio notamment, parce que c'est avec grande à la fois surprise et avec plaisir, il faut le dire, que La Brèche a consacré un article sur la radio en première page, et je vais simplement vous faire petite revue de presse et vous en faire part. La radio aussi se numérise, la bande FM va mourir à petit feu. Dans son livre blanc de l'avenir de la radio, publié en juin, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, a annoncé préparer l'extinction de la FM. Pourtant, le bilan tiré est bon. Près de 40 millions d'auditeurs chaque jour et plus de 1100 radios autorisées en FM dans l'Hexagone. Le document met en avant son offre foisonnante, y compris au niveau local, son audience nombreuse et fidèle sur l'ensemble du territoire. Mais le numérique s'invite dans nos maisons, nos voitures, partout, et il faut s'adapter. La bande FM n'y échappera pas. Pour l'instant, seuls 24,5% des Français disposent d'un récepteur numérique DAB+, équivalent de la TNT, de la télé pour nos radios. Alors l'ARCOM veut avancer par étapes. La période de préparation à grands coups de publicité ciblée a pour objectif d'atteindre un taux d'équipement numérique de 70% des foyers français d'ici 2033, le temps de lancer le deuxième étage de la fusée. 2028-2033, migration vers la radio tout numérique. À partir de 2033, il n'y aura plus d'obligation d'appel à candidature pour réattribuer une fréquence laissée libre. La bande FM ne sera plus La porte-parole de la radio va alors mourir à petit feu. Le déploiement se fera au profit du DAB+. C'est ce qu'explique Jean-Marc Courrègues-Sénac, co-président de la Confédération Nationale des Radios Associatives, la CNRA. La Norvège a déjà franchi le pas en 2017 et la Suisse se prépare pour fin 2024. Ce sont deux paysages radiophoniques très différents où l'on ne retrouve pas la même pluralité et des taux d'équipement bien différents, tempère-t-il. La France veut suivre ce chemin. La qualité d'écoute est un argument et le DAB+ s'avère plus performant que l'écoute en direct sur Internet, qui est une catastrophe écologique. Et avec l'adresse IP, l'anonymat n'est pas garanti. Je peux savoir qui écoute à la seconde près et même savoir où il habite. La bande FM est un symbole du média libre, pas seulement pour des raisons historiques. La FM permet d'autodiffuser car nous gérons notre émetteur dont le coût peut aller de 0 euros si la collectivité le prend en charge à 3000 euros par an. Ce n'est pas le cas pour le DAB+ qui nécessite le passage chez un prestataire de service. La période de transition risque de générer un fort tri. Le DAB+ représente autour de 5000 euros supplémentaires par an. Impossible pour beaucoup d'assumer le coût de la double diffusion, une charge supplémentaire après la coupe budgétaire annoncée de 10 millions d'euros du fonds de soutien à l'expression radiophonique, même si cette dernière devrait être abandonnée. Ce sont des attaques multipliées sur les radios les plus fragiles. Et oui, voilà, retour sur PLF 2025, qui veut la mort des radios associatives, projet de loi finance 2025. On attend en effet, là, avec la situation et la conjoncture politique actuelle, savoir à quelle sauce nous serons mangés ou non concernant cette annonce. Hein, on vous l'a déjà annoncé sur cette antenne, de cette coupe budgétaire de 10 millions d'euros du FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique, dont nous dépendons très largement. C'est 40% en moyenne pour l'ensemble des radios du territoire. Elles sont environ 700 à 800 en France. En tout cas, voilà, fin de la bande FM. C'est en effet annoncé pour 2033. Et Clément Goutel, qui a réalisé et écrit cet article, en effet a pris le relais suite à communication aussi autour de nos difficultés budgétaires du moment. Alors voilà donc un article de La Brèche que vous retrouverez en première page, et La Brèche que vous retrouverez encore ce jour, ce 9 décembre. C'était également pour vous annoncer bien sûr ce rendez-vous. Parce que l'œil dans la brèche, c'est un rendez-vous qui se tiendra ce lundi 9 décembre à 19h au Méliès Saint-François. C'est cette sortie de ce numéro 10 justement qui fait l'occasion de cette première soirée ciné-rencontre l'œil dans la brèche. On imagine qu'il y en aura donc d'autres. L'idée étant bien sûr d'échanger autour de ce journal. Au-delà de la présentation du journal, c'est aussi l'occasion d'échanger autour d'un dossier, et notamment un des dossiers de ce numéro 10 qui concerne les impacts réels de l'intelligence artificielle. Et de Loupi, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, dessinera en direct le tout projeté sur l'écran de cinéma. Et il y aura même à la fin de l'échange une mise aux enchères du dessin de Loupi en soutien à La Brèche, bien sûr. Voilà, avec aussi des petits montages surprises en lien avec l'intelligence artificielle et la projection d'un film. Et c'est ce fameux film visionnaire, Soleil Vert de Richard Fleischer, que je vous recommande chaudement, film de 1974. Qui anticipait ô combien les choses. Voilà, table de presse, échange, etc. Ça se passe aujourd'hui au Méliès Saint-François avec le journal La Brèche, l'œil dans la brèche. Et c'est à partir de 19h, justement. Et alors dans ce journal La Brèche, il y a aussi des petites chroniques littéraires, dont par exemple bien ce livre Blablacar et son monde, comment la plateforme a dénaturé le covoiturage. C'est un livre enquête consacré à Blablacar par le journaliste Fabien Ginistri, qui est directeur de publication du mensuel L'Âge de Fer. C'est un autre journal de cette presse différente et pas pareil. Alors on avait réalisé il y a un an de cela une table ronde avec précisément le journal La Brèche et le journal mensuel L'Âge de Fer, et tous deux sont présents chaque année, au-delà de cet ouvrage que je peux vous recommander et que La Brèche vous recommande, sont présents chaque année sur le rendez-vous de la transition écologique Tatou Juste, dont la dernière édition s'est déroulée cette fin de mois de novembre. Alors je vous propose précisément de revenir sur ce Tatou Juste 2024 non pas pour évoquer la brèche ou l'âge de fer qui était là aussi présent dans l'espace média et culture, mais parce que Dio était bien sûr présente aux côtés de Radio Andenne pour assurer des tables rondes, interviews, rencontres, discussions, causeries durant tout ce week-end tout juste de fin novembre dernier. Et bien parmi ces rencontres auprès de différents exposants et exposantes, et bien notons celle-ci auprès de l'association Aussi Vélo et l'association Place aux Piétons Loire Sud pour parler de mobilité douce, certes, mais aussi et surtout pour répondre à une sollicitation de Place aux Piétons qui nous avait contacté concernant la situation difficile, dangereuse, accidentogène des piétons, notamment à Saint-Étienne, relatant et nous rappelant deux accidents récents dans le quartier secteur Terrasse le 15 novembre dernier, ou encore là aussi cet autre accident dans le quartier de la Cotonne à Saint-Étienne, là encore il y a quelques jours. L'association a souhaité rappeler la trop grande fréquence de ces accidents piétons et la dégradation des statistiques de sécurité routière sur l'année 2024. Alors, ces accidents, et notamment celui qui est intervenu sur la Terrasse le 15 novembre dernier, sur l'avenue de Verdun, tout près de la place Massenet, où un projet de réaménagement de l'espace public est présenté actuellement en concertation publique. Et cet accident, selon l'association sur l'avenue de Verdun dans ce secteur de la Terrasse, montre que précisément, ce secteur est particulièrement accidentogène avec les très nombreux flux qui se croisent et dans des conditions pas véritablement sécurisées. Passage de bus et de tram, au milieu des flux de piétons, de jeunes scolaires et des PMR qui tentent de la traverser, personne à mobilité réduite, malgré son aspect très peu ergonomique et anxiogène, avec de surcroît la traversée de nombreuses voitures sur ce même espace multimodal. Alors, l'association Place aux Piétons Loire Sud nous a rappelé son attachement très fort à ce projet de réaménagement Massenet pour faire de cette place de quartier et cette entrée de ville stratégique nord un lieu sécurisé, convivial et pour un partage de l'espace public avec un espace commerçant vivant. Une pétition a été lancée il y a quelques temps pour tout public, mais également auprès des élus, des mairies, des différentes communes, à la fois de Saint-Étienne, mais aussi des communes concernées, Saint-Priest-en-Jarez, Villars ou encore Saint-Étienne Métropole. C'est ce que vous allez entendre d'ici un instant avec donc cette rencontre auprès de Place aux Piétons Loire Sud et pour cette pétition qui est signée par plusieurs autres associations, dont aussi Vélo, qui participera également à cette interview que vous allez retrouver d'ici un instant sur le 895 de Dio. Tout juste, et c'est précisément le cas là pour le temps qui va suivre avec deux nouveaux invités qui nous rejoignent au plateau. Bonjour. Il y a Hugo et Anne. Bonjour, ouais. À vous. Bonjour. Alors on a sillonné un petit peu là le Tatou Juste et le Parc Expo dans ses différents pôles, et puis une petite étape sur l'espace ou pôle mobilité où je vous ai retrouvé, et puis l'occasion de faire un petit point d'actualité pour les deux structures que vous représentez. À la fois, Anne, rappelez-nous qui vous représentez justement. Alors moi je suis présidente de Place aux Piétons Loire Sud, qui est une association qui défend, comme son nom le dit, les piétons, qui promeut la marche en ville. Et donc on travaille pas simplement sur la qualité des trottoirs, mais aussi on réfléchit à des axes structurants piétons dans la ville, dans la métropole. On travaille pas que sur Saint-Étienne, on travaille sur tout Loire Sud. Et on a fait un document PDM de 35 pages qu'on a travaillé avec aussi Vélo, avec une association de défenseurs des usagers des transports en commun, avec des associations environnementales. Et là maintenant on va travailler sur un plan piéton métropolitain, comme il y a un plan vélo métropolitain. On veut qu'il y ait un plan piéton métropolitain. Et voilà, alors on va passer du piéton des deux pieds aux deux roues avec aussi Vélo, mais pas que. Finalement, Hugo, tu représentes toi le collectif local ateliers. Je représente le collectif local des ateliers à vélo, locale des ateliers à vélo, dont font partie plusieurs ateliers d'autoréparation de vélo. Donc il y a la Souris Verte dont je fais partie, aussi Vélo, il y a aussi Du Vent dans les Mollets à Saint-Julien-Molette, Créactif qui est un centre social là au Chambon-Feugerolles. Tout à fait. Et Vélo en quartier aussi à Saint-Étienne. Voilà, alors l'occasion de faire un petit point sur ces questions de mobilité localement, à la fois sur la ville, nos villes, la métropole. Alors, juste précisément, le plan vélo, Parlons-en, parce que non seulement au niveau local, mais au niveau national, on a entendu que les lignes bougeaient quelque peu, surtout les moyens alloués bougeaient et baissaient quelque peu, chose importante d'ailleurs, conséquente, hein, une grande baisse de budget sur ce fameux plan vélo qui avait été annoncé, de grands moyens pour déployer le vélo et la mobilité cycle. Ici et là, on a plutôt là appris de mauvaises nouvelles en la matière. Alors on avait entendu 40 millions, je crois, il y a un post-Covid, hein, il y a quelques années. J'avoue que du côté de Saint-Etienne, j'ai un peu du mal à voir où sont passés les 40 millions, peut-être dans Véliver. Mais c'est vrai qu'on a quand même un problème de structuration du schéma des pistes cyclables. Là dans ma rue en ce moment, ils l'ont refaite. Et puis j'ai demandé, alors la piste cyclable, vous la mettez où ? Ah ben non, mais il n'y a pas la place. Bon, la rue fait 8 mètres de large. Hein, voilà. Ouais. Alors du coup, c'est quoi, un coup d'arrêt sur la métropole où les choses sont encore en cours ? Il s'agit de renégocier les choses, reprioriser. Enfin, qu'est-ce que cela va impliquer et comment cela va impacter finalement aussi dans ce plan vélo et cette coupe budgétaire, le schéma cyclable localement ? Difficile à dire précisément ce que ça va impacter. Je ne suis pas personnellement dans les commissions aménagement qui sont en lien avec la métropole et la ville, mais... On n'a pas l'impression que ce soit vraiment leur priorité, on va dire, d'organiser le vélo, la place du piéton, je ne sais pas, mais en tout cas la place du vélo dans la ville et au niveau métropolitain. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de plans, de schémas, etc. Mais dans la réalisation, là, il y a la place Massenet, je pense que ma comparse va en parler. Ah oui, on va en parler, oui. Il y a la place Massenet, apparemment, qui va être refaite. Bon, il va falloir pousser pour que les piétons et les mobilités douces aient leur place, j'ai l'impression. Ouais. Alors justement, passons du deux roues au piéton, halte au piéton, Anne. Là aussi, actualité, alors un plan métropolitain justement, alors où en est-on ? On s'était vu, il me semble, il y a un an ou deux sur ce même espace, là, pour faire un point, alors que il me semble que c'est une étude qui était en cours pour dessiner un petit peu. Alors il y a ce qu'on appelle le plan de mobilité, qui est un plan structurant. Qui structure la politique de mobilité de la métropole sur 10 ans, entre 2025 et 2035. Donc c'est là qu'on en avait parlé. C'est là que ce collectif de 8 associations, on a fait une contribution pour apporter des propositions pour une vraie politique durable, pour une métropole désirable. Et l'idée, c'était de ne pas travailler en silo, c'est-à-dire que les cyclistes disent on veut des pistes cyclables et nous on veut des trottoirs, mais qu'on travaille ensemble. Et ça, c'était le grand coup de théâtre à métropole, c'est que Luc François a dit qu'on les avait coacher avec notre démarche, parce qu'on leur a montré l'exemple de ne pas travailler en silo et qu'on a travaillé ensemble à avoir une démarche commune, à dire les usagers des transports en commun, les cyclistes, les piétons, les associations environnementales, on est d'accord pour un certain nombre de choses et on n'est pas en train de se tirer dans les pattes, on a une vrai schéma cohérent. Ouais. Donc ça, c'est une première chose, et Saint-Étienne Métropole a repris une grande partie de nos propositions, et maintenant ils nous ont annoncé aussi qu'ils étaient d'accord avec notre idée d'un plan piéton métropolitain. Et donc ça, c'est la deuxième partie, la deuxième étape du gros travail structurel qu'on va faire avec les institutions. Et l'idée, c'est que nous, on veut faire un travail dans les quartiers de marche exploratoire, d'essayer d'identifier les points noirs de la métropole pour qu'on travaille particulièrement le plan piéton métropolitain sur ces endroits qui sont particulièrement noirs. D'accord, donc le travail est en cours. Avec, là aussi, il est toujours question de moyens, hein, bien sûr, parce que là, il s'agit aussi de réaménagement, de requalifier certains sites, etc. Ça, c'est des choses qui ne sont encore pas véritablement définies. On n'avait pas d'argent pour le plan piéton, même si le plan vélo national a été supprimé. Bon, pour le moment, nous, ça nous impacte peu parce qu'il y avait énormément d'argent sur le plan vélo et quasiment rien sur la marche. Donc, il va falloir continuer à se battre pour qu'on ait des moyens. Mais disons que nous, on n'a pas perdu grand-chose puisqu'on n'avait rien. Mais il faut continuer à se battre parce que... Et nous, notre idée aujourd'hui, on est pressé qu'on avance sur le plan piéton métropolitain parce que nous, on dit à la métropole que si on avance trop vite sur le plan vélo métropolitain, sans penser aux piétons, on va faire des erreurs et qu'après, on va être obligé de casser des choses parce qu'on n'aura pas bien pensé aux piétons. Donc, il faut dès le départ qu'il y ait un schéma cohérent et nous, on voudrait plutôt un plan métropolitain, mobilité active. C'est-à-dire que les deux soient réfléchis ensemble. Voilà, tout et donc, c'est pour ça qu'il faut très vite que les piétons soient entendus. J'ai rien contre que les pièces cyclables se fassent, mais il faut que ce soit toujours en cohérence. Vous voyez, j'ai entendu une fois l'idée qu'une piste cyclable pouvait occasionner de couper des arbres. Et nous, on est contre. C'est même s'il faut une piste cyclable, mais il ne faut pas couper les arbres. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent le jour où il y aura des canicules, je reviendrai dans ma voiture parce que là, il y a de la clim. Donc, c'est vrai que si les villes sont trop chaudes, et bien, les gens, ils feront. Et le premier mode qui sera. qui va baisser, ce sera la marche à pied. Parce qu'on n'a pas envie de marcher quand il fait 40 à l'ombre. Et bien sûr, ni de faire du vélo. Et encore moins le vélo. Et alors, non seulement on entend cette possibilité, mais il me semble que ce fut même chose faite. Il y a eu des coupes d'arbres. Ouais. Il me semble avoir vu la commune de Villars, justement, un tilleul assez exemplaire. C'est pour ça que nous, on veut une vision globale. Vous voyez, ce n'est pas l'idée de simplement d'être content qu'on a notre petit schéma cyclable ou schéma piéton, mais qu'on réfléchisse aussi qu'il faut que ce soit une ville désirable, que ce soit une ville vivable. S'il fait trop chaud, on ne va pas faire du vélo ou marcher à pied. De toute façon, un cycliste va devenir piéton à un moment donné, forcément, dans son itinéraire. Peut-être que le piéton va devenir cycliste aussi. Et c'est vrai que là, parfois, le cycliste est... on le sort de la route pour sa protection et puis on le met sur le trottoir. Enfin, les schémas, en tout cas, des pistes cyclables vont sur le trottoir. Du coup, ça devient dangereux pour les piétons, ça devient dangereux pour les cyclistes. Plus personne ne peut circuler. Donc, il y a effectivement un truc à penser en cohérence entre les cyclistes et les piétons. Tout en diminuant aussi la place de la voiture dans la ville. Parce que, C'est une vraie erreur, les trottoirs mixtes. Ouais. C'est une vraie erreur. Alors, à une époque, ça pouvait se défendre. Il n'y avait pas beaucoup de vélos. Donc, on pouvait dire, les vélos vont. Alors, ça peut se défendre aussi dans des coins ruraux, qu'on mette un trottoir mixte parce qu'il n'y a pas beaucoup de vélos. Mais dans des villes importantes, il ne faut absolument pas que le flux des vélos soit au milieu des piétons. Il faut absolument les séparer. Sinon, on a des conflits piétons-cyclistes, alors qu'en fait, on a la même finalité, c'est de réduire la place de la voiture en ville. Oui, une multimodalité qui peut être conflictuelle parfois, en effet, quand il s'agit de penser cette cohabitation aussi d'ensemble, que ce soit les voitures avec les piétons, les voitures avec les cyclistes, mais les cyclistes avec les piétons, les trottinettes aujourd'hui, on voit aussi bon nombre d'accidents justement sur ces défaillances parfois en termes de d'espace et d'aménagement. Et voyez, par exemple, nous, la magistrale, on propose deux magistrales à Saint-Etienne, une magistrale nord-sud qui reprend l'axe du tramway nord-sud, entre Bellevue et l'hôpital nord. Il est très visible, les piétons, ils le voient, ils savent que s'ils veulent aller ils suivent cet axe. Il est visible, sauf qu'il n'est pas piéton, il n'est pas marchand, parce que le revêtement sont nuls, les flux sont mélangés, des moments les vélos sont sur les trucs. Mais surtout, maintenant, on veut une magistrale est-ouest, c'est-à-dire entre Château-Creux et Clapiers. On veut un axe qui passe de la rue de la République, qui passe place d'Orient et qui va rue Michel Rondet, qui permettrait. Et là, il faudrait virer les stationnements et une voie bus et une voie piétonne. Et les cyclistes passent sur une autre voie, dans une autre rue, pour que les piétons aient un axe visible. Et comme Saint-Etienne a beaucoup de collines, il faut vraiment qu'on ait un axe piéton qui permette que les gens ne soient pas à tournicoter dans des tas de petites rues et à perdre leur temps, etc. Il faut avoir vraiment un plaisir de marcher. Il ne faut pas que ce soit simplement... Voilà, il faut que ce soit un plaisir. Oui, il faut que ce soit un plaisir et il faut que ce soit sécure aussi. Et alors justement, là, on avait reçu, Anne, de vos communiqués tout récemment cette semaine, rappelant encore deux accidents assez graves concernant des piétons qui viennent se dérouler sur deux quartiers justement de la ville. Et précisément, vous profitez aussi là de Tatou Juste et de ce week-end pour lancer une pétition. Voilà, une pétition. Donc l'occasion peut-être là de faire rappel sur l'ensemble de ces points. Cette pétition d'ailleurs est signée par aussi Vélo, est signée par pas mal de gens, beaucoup d'associations. Oxygène pour Londen, et aussi l'autre association Vélo sur Londen et d'autres. Et puis une association d'handicapés, sclérosés en plaques. Donc en fait, si vous voulez, il y a un projet à la place Massenet, que beaucoup d'habitants appellent la terrasse. C'est un endroit qui est très important. C'est une place structurelle essentielle pour la politique de mobilité, puisque c'est un lieu où il y a la gare SNCF, il y a les trams, il y a les bus, il y a les voitures, il y a les piétons, il y a les cyclistes. Mais actuellement, c'est un capharnaüm total, c'est un fouillis général. Les vélos ne savent pas où rouler parce qu'ils risquent de se prendre les voies de tram dans les routes vélos. Les piétons, quand ils descendent du tram ou du bus, c'est très dangereux parce qu'il y a des voitures qui sortent des parkings, etc. Et donc, il y a une idée très intéressante que, suite à un financement de l'État qui pourra financer la moitié de ce projet, de faire que la place centrale soit consacré, dédié au transport en commun et aux piétons. C'est-à-dire que les piétons soient prioritaires. Il faut savoir que cette place, je n'ai pas le droit de dire les chiffres, je les sais, mais je n'ai pas le droit de les dire, mais si vous voulez, la majeure partie de la place n'est que utilisée par des piétons. Donc c'est aberrant d'y mettre des parkings, des voitures, il faut que maintenant on assainisse cette place, que le centre soit pour les piétons et les PMR, qu'au bord, il y a la piste cyclable qui est prévue. Personne à mobilité réduite. Personne à mobilité réduite, les handicapés et les gens avec des poussettes d'enfants. Que les cyclistes passent au bord de la place et que les voitures, pareil, passent au bord de la place et avec l'idée de stationnement tout le long des commerces. Donc, il n'y a pas l'idée de... Et simplement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des commerçants qui ont peur, qui disent que c'est la mort du petit commerce et quelques automobilistes qui disent comment, moi, je vais perdre 5 minutes parce qu'on va on va m'enlever un petit tronçon. Et donc, nous, on dit aujourd'hui que l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier. Et donc, c'est pour ça qu'on lance une pétition. Parce qu'il y a une pétition contre, et nous on veut une pétition parce que souvent les gens qui sont pour ils s'expriment pas, souvent c'est les contre qui s'expriment, et les élus ils sont assaillis de gens contre, et il faut qu'aujourd'hui les élus entendent qu'il y a plein de gens qui veulent que l'intérêt général soit défendu plus que les intérêts particuliers. Et l'intérêt général, c'est tous ces piétons qui sont sur cette place, tous ces utilisateurs de transport en commun. Il y a énormément de gens qui prennent le tram, qui font des correspondances à la terrasse. Il faut qu'ils soient en confort, il faut qu'ils soient en sécurité. Et il faut que les handicapés, que ce soit les gens avec fauteuil roulant, je vous défie, nous on va organiser pédagogiquement une action pour sensibiliser, on va proposer à des piétons valides de traverser la place en fauteuil roulant. Et ben, je vous défie de le faire avec des quais qui sont hauts comme ça, oui. Des rails de tram où les roues de fauteuil peuvent tomber dedans. Et puis à la réunion publique, il y avait des gens qui étaient malvoyants. Ben, je vous défie, malvoyant, je ne sais pas comment je ferai pour traverser cette place. Hein. C'est super dangereux. Ouais, alors, vous parlez d'une réunion publique. Il y a eu une réunion publique de concertation en septembre. C'est là qu'il y a des gens... Avec les services de la ville, hein. Oui, avec les services de la ville et de la métropole. Et à cette réunion publique, qui était assez glauque, il y a vraiment eu des réactions que j'ai trouvées assez odieuses, de style de gens qui disaient « Messieurs les élus, ne gaspillez pas 7 millions d'euros juste pour quelques handicapés, épargnez nos impôts, ça ne sert à rien tout ce que vous faites, de toute façon, elle n'est pas dangereuse. » Alors que si, elle est dangereuse, elle n'est absolument pas agréable, elle est minérale, quand il fait chaud, ce sera absolument inconfortable, et elle n'est pas du tout utilisable pour des handicapés. D'accord, donc réunion qui a précisément réuni et confronté partisans et opposants. Voilà, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un risque que les élus abandonnent le chantier parce qu'il y avait trop d'opposition. Et d'accord. Nous, on dit non, il y avait des gens qui étaient contre à cette réunion, mais il y a des gens qui sont pour, et il faut qu'on l'affirme. Oui, alors une pétition justement est lancée à l'attention des élus. Voilà. Et alors concernant cette place Massenet, c'est là où cela m'interrogeait, c'est-à-dire qu'elle est adressée à la fois aux élus de la métropole, de Villars, de Saint-Priest, oui, et de Saint-Étienne, alors qu'uniquement la ville de Saint-Étienne. Non, parce que c'est, si vous voulez, la terrasse. Dans la terrasse, il y a tout sur le bord, il y a plein de commerces qui desservent Saint-Priest en Jarret. On est limitrophes, en fait, voilà, sur toutes les communes, c'est ça. Et la commune de Villars aussi est en partie, vous voyez, par exemple, il y a un collège qui a une bordure de Saint-Étienne et de Villars. Et c'est pareil, il y a aussi un flux de collégiens. L'autre jour, j'ai été prendre des photos, il y a des centaines de collégiens qui marchent sur les voies de tram quand ils sortent du collège. C'est trop dangereux. D'accord. Donc, vous voyez, il y a tout. Donc, c'est parce que ces communes sont toutes ensemble et Saint-Étienne Métropole pilote le projet, mais c'est les villes qui vont avoir le dernier mot. Et la décision et le financement, j'imagine aussi. Alors, le financement, c'est moitié État, et après, il y a des financements Saint-Étienne Métropole, il y a des financements. C'est pas, les communes n'ont pas trop été sollicitées. C'est pour ça l'argument des habitants de dire sauver nos impôts, c'est un peu débile parce que c'est pas vraiment le sujet. Et quel est pour l'heure un peu le retour et position précisément de ces municipalités? Parce que justement, une pétition, certes, cela va encourager et donner, appuyer un petit peu le projet. Mais on sait bien que c'est aussi les politiques. Alors, Luc François est très clairement très déterminé. Luc François, c'est le vice-président chargé de la mobilité à Saint-Étienne Métropole. Quand il a entendu des gens dire mais ça ne sert à rien de gaspiller tout cet argent, faites un petit projet qui améliore juste un peu les choses, qui fasse quelque chose de propre et tout ça, il a dit c'est pas possible d'aménager la place Massenet pour qu'elle soit accessible sans avoir un projet très ambitieux. Parce qu'il faut tout revoir. Si vous voulez rendre une place accessible, il faut mettre les voitures au bord. Donc, oui, c'est forcément des travaux conséquents. Donc, ça n'a pas de sens de faire un petit projet. Donc, Luc François défend très fortement ce projet. Simplement, il explique, et ça fait partie de la loi, c'est que des projets importants, là, c'est la souveraineté des communes. Une métropole ne peut pas imposer, si les maires des communes ne sont pas d'accord avec un projet, une métropole ne peut pas l'imposer contre l'avis des maires. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'on écrive au maire de Saint-Étienne, au maire de Saint-Priest, au maire de Villars, surtout au maire de Saint-Priest, qui visiblement est soumis à une forte pression de ses commerçants qui disent que c'est la mort du petit commerce. Et comme il y a des élections municipales bientôt, on est inquiet parce qu'on a peur que... Voilà, vous avez tout en tout cas, voilà, démarche en cours. Et donc la pétition est disponible sur notre stand. Disponible sur votre stand, disponible auprès de votre association, que l'on peut trouver halte aux piétons ici et là, j'imagine, sur la toile également, et avec des propositions concrètes que vous proposez. Merci beaucoup en tout cas pour nous avoir présenté cette situation du moment. Pour la clavette, Hugo, peut-être actualité concernant ces diverses associations, ateliers vélo qui se poursuivent. Oui. Il y a différents objectifs, on va dire, des différentes associations qui représentent la clavette. Aussi vélo, justement, on en parlait, et centré à la fois sur un atelier vélo et à la fois sur l'aménagement et le plaidoyer. D'autres associations comme Vélo en quartier, La Souris Verte et du vent dans les mollets, etc., sont plus centrées sur la réparation vélo. Ouais. Donc c'est pas les mêmes objectifs, les mêmes moyens de faire, mais enfin si finalement ça reste un objectif de donner plus de place au vélo et aux cyclistes, et alors pas aux piétons en l'occurrence, mais en tout cas donner plus de place aux mobilités actives pour que la ville respire mieux Et je pense qu'on a, en quelles que soient les manières dont on le met en place, on a tous un peu les mêmes objectifs, qu'on soit piéton ou cycliste. On n'a pas les mêmes moyens de déplacement, pas les mêmes vitesses. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'être un minimum séparé dans les aménagements, parce qu'on ne peut pas circuler sur un trottoir et inversement, on ne marche pas sur la route. Tout en avançant ensemble, quelle que soit la vitesse. Ensemble, il s'agit en tout cas d'avancer et on a bien entendu que des efforts restent à fournir en la matière. En vous remerciant, merci vous beaucoup pour votre accueil. Merci. Belle continuation tout d'abord dans vos combats ou ateliers activités respectifs. Et puis, bonne continuation pour le restant de ce Tatou Juste. Vous êtes présents jusqu'à demain. On retrouve un peu de musique et puis on se retrouve tout à l'heure pour la dernière table ronde de cette journée radiophonique. Biking des Tugs pour parler vélo et piéton. Vous l'avez entendu à l'instant avec cette rencontre interview près d'Aussi Vélo, La Clavette et Place aux Piétons, Loire Sud, réalisée sur Tatou Juste dernier. Vous aurez d'ailleurs toutes les rencontres, interviews, tables rondes et autres très prochainement disponibles via notre site internet radiodio.org consacré à ce Tatou Juste 2024. Alors simplement vous rappelez donc cette actualité, l'association Place aux Piétons qui organise cette action de Happening avec plusieurs structures associatives. Il y aura l'ADTLS affiliée à la FNOT, usagers des transports, l'association des sclérosés en plaques Loire Sud, l'association Villard Environnement ou encore Place aux Piétons Loire Sud. C'est ce samedi 14 décembre entre 10h30 et midi sur la place de la Terrasse, la place Massenet, où il sera donc question de proposer à nouveau aux piétons valides et aux élus de tester la traversée de la place Massenet en fauteuil roulant ou avec les yeux, avec des lunettes quasi occultantes ou avec une poussette d'enfant, dans l'objectif de démontrer l'importance de l'aménagement en projet, donc vous l'avez compris, de la place Massenet pour qu'elle soit enfin accessible aux personnes à mobilité réduite et qu'elle soit sécurisée pour les nombreux flux piétons et usagers des transports en commun, avec un centre de place réservé aux piétons et usagers des transports. Vous action donc proposée sur la place Massenet ce samedi 14 décembre entre 10h30 et midi, quartier La Terrasse bien sûr. Et concernant la sécurité, la fluidité des déplacements, la multimodalité, la vie de quartier et les places accueillantes, verdoyantes, fraîches, des stationnements optimisés, des espaces dédiés à la fois à piétons mais aussi cyclables, eh bien, c'est ce que défend toujours l'association Aussi Vélo Saint-Étienne. Vous avez toutes les infos via la toile, le net et leur site dédié, notamment aussivélo.fr. Et à noter cette action d'Aussi Vélo qui va se dérouler cette semaine et qui a besoin de vous pour cette action-là. Ce sont des actions et une action plutôt même de tri et état des lieux d'une centaine de vélos d'anciens Véliver. Et oui, à qui il faudrait aussi offrir une seconde vie et qu'il faudrait peut-être bien réparer. Alors il y a besoin de faire du tri, d'évaluer l'état de ces vélos qui sont actuellement stockés. Et cette opération se fera avec donc la contribution de tous et toutes bienvenus ce 12 décembre, toute la journée à l'AFPA, qui est situé 13 boulevard du 8 mai 1945, avec donc ce travail de répertorier, identifier chaque vélo, manutention et rangement des vélos, et voir classer les vélos par niveau de réparabilité. Toutes les infos donc aussi vélo.fr pour éventuellement participer à cette action de ce 12 décembre. Et puisque nous parlons encore vélo, eh bien vous annoncez aussi, non pas vélo, mais cette action avec un tour de vélo pour la bonne cause. Cette fois, il s'agira de pédaler pour soutenir le peuple palestinien et libanais. C'est ce mercredi 11 décembre pour ce dernier tour de vélo de cette année. Le rendez-vous est donné place Chavanel ce mercredi 11 décembre pour une balade illuminée suite à l'appel international du collectif Gaza Sunbird. Il s'agit donc de démontrer soutien au peuple palestinien et au peuple libanais. Rendez-vous ce 11 décembre, place Chavanel, à partir de 17h. Puis juste quelques infos pour boucler ce programme des mots des sens sensibles du jour avec le collectif Halte au contrôle numérique qui a repris ses réunions publiques depuis début septembre. Halte au contrôle numérique dont on a parlé semaine dernière qui a accueilli Félix Tréguer pour une conférence suivie d'un débat avec le public. C'était ce 6 décembre dernier au Méliès Saint-François organisé par le collectif Halte au contrôle numérique et la librairie L'une et l'autre sur la Technopolis. Ce sera peut-être bien l'occasion d'en rediscuter voire débriefer cette rencontre avec cette réunion publique et ces réunions publiques, réunions mensuelles qui se tiennent le deuxième jeudi du mois de 18h à 20h à l'amicale du Crédroc. Ce sera donc le cas ce jeudi. Ne manquez pas ce rendez-vous ce 12 décembre de 18h à 20h, 16 rue Royer à Saint-Étienne, bien entendu, avec le collectif Halte au contrôle numérique. Et puis très rapidement, on aura l'occasion de revenir sur ces rendez-vous dans les mots et sons sensibles de cette semaine. La Laverie qui propose une sortie de résidence à la cartonnerie rue Étienne Boisson. Ce sera ce samedi 14 décembre à 12h. Sortie de résidence tout ou rien, la légende du gang Kelly, les philosophes barbares. Il y aura également cette autre soirée ciné-rencontre, toujours au Méliès Saint-François, avec la projection du documentaire « J'ai su que j'avais un frère ». On aura là aussi l'occasion d'en reparler. Ça se passera ce vendredi 13 décembre, soirée exceptionnelle dédiée à la poésie musicale de 20h à 1h du matin. Une programmation mêlant cinéma, poésie, musique électro, avec ce film d'Arno Bicci « J'ai su que j'avais un frère », un spectacle musical de poésie féministe avec Antoine Colonna, que l'on connaît sous le pseudo « Jvedran » et Céline Fraisa. Et Jvedran qui proposera un peu live électronique également pour cette soirée de ce vendredi 13 au Méliès Saint-François. On aura l'occasion d'en reparler cette semaine, voire même d'écouter Jvedran et ses projets d'actualité. Et puis encore, nous reparlerons cette semaine du salon de micro-édition Fufu et 3e édition qui va se dérouler tout ce week-end des 14 et 15 décembre de 11h à 19h à l'Amicale Laïque du Cré de Roc. Le salon de micro-édition Futur Furieux, voilà, qui se passera à la cale Rue Royer, bien entendu. Il est heure et temps de terminer ce programme que l'on va boucler en musique avec, en guise de générique de fin, un beau partenariat cette semaine. Très heureux de boucler cette année 2024 avec ce concert et ce duo parent live, nos rendez-vous hors les murs, en public et en direct. Et nous serons ce jeudi 12 décembre, salle Le Fil à Saint-Étienne, dès l'ouverture des portes de la salle, c'est-à-dire à partir de 19h30. Pour une émission et un plateau radio en rencontre interview auprès de Sheun Kuti. Sheun Kuti qui est le fils du grand pionnier de l'afrobeat Fela Kuti et qui a repris l'ancien groupe de son père, Egypte 80. Et ça depuis quelques années maintenant, et notamment son décès. Le décès de Fela, c'était en 97. Et donc, Sheun Kuti et Egypte 80 sont en tournée mondiale. Ils sont de passage à Saint-Étienne. C'est un véritable événement. Si vous ne savez de quoi il s'agit, ben, je vous recommande d'aller chercher ici et là la famille Kuti, bien sûr, et ce grand héritage et patrimoine, je dirais, musical précieux. Avec d'ailleurs actuellement, me semble-t-il, un live que vous pouvez visionner du côté de la chaîne Arte en ligne. En tout cas, en vrai, en vivant, en direct. Sheun Kuti en interview interview avec l'équipe de Duo. Ce sera de 19h30 à 20h30 ce jeudi 12 décembre avant la soirée live et une affiche partagée entre Sabali, formation afro locale, et donc Sean Kuti, Égypte 80 ensuite dans la soirée. Ne manquez pas ce rendez-vous et on va terminer précisément avec Sean Kuti et un titre issu de son dernier album qui est sorti le 4 octobre dernier. Heavier Yet Lays the Crownless Head, album produit par Lenny Kravitz sur le très bon label Record Kicks, avec eh bien, ce titre-là que je vous propose de retrouver. C'est Sean Kuti, avec une artiste africaine, justement. Il s'agit, si je ne me trompe, de Sampa. Sampa, The Great, pour le titre Emi Aluta de Sean Kuti. On termine là-dessus. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. Ciao, bye. On se retrouve demain, même heure. We'll be right back. du descend du star. La connaissance au roi de bide de rang. A qui le refasse, a qui le reprendre, qui le refuse. Ça fait chocolat, a qui de se prendre, c'est l'idée de la vue. Ici de dehors, c'est toujours ma fuge, je hasse la wick. A wick, a hasso, a fick, a basso, moins de degré. Tu dis du dispidou, et me refuse, you do. A relance, je sais pour ma hand, de l'une au calme, stop taking the stand. I'm standing on this, this is the end, c'est l'idée de go on. Why do you are, I don't care, the home, maman de bagu. Your father, love it your heart, M.L.K. the pastor.